Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La mort vivante, une série d'Élise Gruau réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le plaisir des histoires qui font peur et cette vieille idée qu'un mort ne l'est jamais tout à fait, comme un espoir, à moins que ce ne soit un cauchemar. Et la zombification en est un particulièrement épouvantable. Alors pour commencer, les personnages. Un scrutateur de l'horreur, un médecin légiste anthropologue méticuleux, des morts pas tout à fait morts, un ancien zombie, un sociologue qui défriche, des réalisateurs qui font peur, un metteur en scène et sa métaphore. Ensuite, le décor. Une contagion, des meutes ralenties, des machettes et des grognements, Haïti, la mort sociale, le vaudou, l'esclavage, la terreur, de l'argile, de la mousse et du sirop d'érable. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute Michael. Il est lent, donc si on court un peu vite, on peut lui échapper pendant un moment. Mais à partir du moment où il vous happe, là, c'est très difficile de s'en débarrasser parce qu'il est quand même relativement fort. La mort vivante, zombie or not zombie. Par Élise Gruau et Anna Schmuck. Pascal Pinto, quelles sont les grandes étapes pour que le zombie bascule dans l'horreur ? Alors, il y a une étape qui ne fait pas partie du cinéma classique et celle de Thriller de Michael Jackson, parce que c'est le clip qui a été vu par le plus grand nombre de gens et c'est vraiment, je dirais, l'introduction du zombie auprès du très très très grand public, auprès de monsieur et madame tout le monde, qui tout d'un coup voit débarquer au sommet de la popularité de Michael Jackson. Quelque chose qui commence de façon très mignonne avec Michael Jackson et sa petite copine qui vont voir un film justement d'horreur dans un cinéma, dans un décor un petit peu rétro des années 50. Et puis très rapidement les choses tournent bizarrement puisque Michael se transforme en loup-garou. Et tous ces zombies qui dansent, évidemment, ils ont tellement frappé les gens. Et la mise en scène de John Landis, qui est un spécialiste donc, du film d'horreur, qui avait notamment réalisé Le loup-garou de Londres, a tellement frappé les gens que c'est un des points de repère dans la culture populaire quand on parle de mort vivant. Je pense qu'il y a une fascination du public parce que le mort-vivant, c'est l'autre, c'est aussi ce qu'on va forcément tous devenir à un moment ou à un autre, sans doute en dansant moins bien que Michael Jackson. Mais en tout cas, il y a ce côté terrifiant de tout va bien et puis on est mordu par un mort-vivant et puis on essaie de se défendre et on sait qu'à partir du moment où on est contaminé, on va devenir soi-même un mort-vivant. Donc il y a ce terrible suspense de savoir comment échapper à la meute qui nous poursuit et puis le risque d'être contaminé avec la terrible perspective une fois qu'on est mordu de savoir qu'il n'y a plus rien à faire. À moins d'utiliser le système de Tom Savini ou de certaines scènes de The Walking Dead et puis de prendre une machette, se couper le bras mordu et puis de faire un garrot et puis de continuer vaillamment le combat comme ça. L'odeur est en train de se barrer. Non, tu crois qu'elle se barre? C'est bon. Peut-être bien que si. Maniez-vous, allez. Dépêche. Walking Dead a aussi accroché le public parce qu'aucun de ses personnages principaux n'était à l'abri de la mort. Et quand on a commencé à suivre la série, on a assez rapidement vu que même des gens extrêmement sympathiques et auxquels on s'était attaché d'un épisode à l'autre pouvait être déchiré en morceaux ou être contaminé. Et donc il y a cette espèce de petit chantage à la mort, hein, pour être très, très franc, qui a fait le succès de Walking Dead. Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste et anthropologue. Vous travaillez sur cette frontière entre le vivant et le mort. Alors, quelle est l'évolution du diagnostic à travers l'histoire pour dire un corps est véritablement mort ? Définir la mort n'est pas facile du tout, et ceci depuis très longtemps. On est certain que la personne est morte lorsque la tête est à 10 mètres du reste du corps, du cadavre. Je devrais d'ailleurs dire que ce soit sur une scène d'accident, sur une scène de bataille ou après un assassinat. Quand le corps est squelettisé, quand il est putréfié, donc quand les signes de la mort sont évidents, il n'y a pas de problème. En revanche, on se rend compte que depuis longtemps, que ce soit dans l'Égypte, dans les périodes babyloniennes, en Chine ou en Inde ancienne, ou encore dans l'Antiquité gréco-romaine, un mort frais, si on peut dire, un mort pour lequel la mort est survenue il y a peu de temps et pour lequel les signes de mort ne sont pas encore apparents ou évidents, eh bien là, il y a une vraie ambiguïté, il y a une vraie difficulté. Et c'est une frontière très ténue entre la vie et la mort. Rassemble les deux chaises pour que je pose l'appareil. Il y a une prise ici. Tourne l'antenne. Ces événements incroyables ne sont malheureusement pas le fruit d'une hystérie collective. Des assassinats ont eu lieu sur un tiers de notre territoire. Les créatures qui les commettent se nourrissent ensuite de la chair de leurs nouvelles victimes. Nous avons maintenant la preuve que des êtres récemment assassinés ont retrouvé peu de temps après la vie et ont immédiatement attaqué d'autres personnes. Les pompes funèbres, les morgues et les hôpitaux sont arrivés à la conclusion suivante. Tous les morts, non ensevelis, reviennent à la vie, recherchant Film, de nouvelles victimes. La nuit des morts vivants, George Romero. Le centre de survie du Pentagone nous informe à l'instant que l'on peut abattre ces êtres avec une balle dans la tête ou un violent coup sur le crâne. Les médecins et les spécialistes de la NASA nous ont expliqué que les radiations réanimaient une partie du cerveau. Il faut donc que le cerveau soit détruit pour anéantir ces êtres. Il y a une figure historique, le zombie, qui est vraiment à la croisée de ces deux disciplines. Et vous avez décidé de mener une enquête en Haïti, dont vous avez tiré un livre, à propos de la figure du zombie. Quand on s'intéresse à la mort, la qualification de la mort et au non-mort, forcément, fatalement, à un certain moment, on s'intéresse aux zombies. Alors il y a deux types de zombies. Il y a le zombie de pacotille, hollywoodien, si on peut dire, qui est celui de l'industrie cinématographique, qui correspond à un schéma anthropologique assez clair, qui est celui de la mort infectieuse, c'est-à-dire la mort contagieuse. Le fait que, moi étant mort, je peux vous faire mourir immédiatement si je vous mords, si j'ai un contact physique avec vous. Donc c'est plus une peur panique d'une mort rapide et contagieuse. Ça, c'est le zombie de Hollywood. Le vrai zombie, celui qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le zombie de Haïti, qui en fait est un non-mort, qui est un mort social. Ce sont des individus pour lesquels la société a décidé de les exclure, d'abord symboliquement, puis chimiquement, du cercle des vivants, parce que ce sont des captateurs d'héritage, des violeurs, des assassins, des gens qui font du mal à la société, et comme la société n'est pas entendue par la justice des hommes, eh bien elle va se tourner vers une justice surnaturelle, qui est celle des Loa, des dieux du vaudou haïtien. Et donc ces personnes vont être convoquées plusieurs fois de suite devant des sociétés secrètes, Bisogo, Champouel, Cochon Marron, en plein milieu d'une bananeraie, d'une rizière ou d'un champ de canne à sucre ou dans la forêt. Et 7 fois de suite, on va leur dire « arrête, sinon il va t'arriver une peine pire que la mort, la zombification ». Et si ces gens persistent et signent, ils vont être empoisonnés par une substance toxique extraite d'un poisson, le foufou, le fougou, et ils vont ensuite être enterrés vivants, vivre eux-mêmes leur propre mort. Tout un cortège de rituels qui entoure ceci, où on leur montre que dorénavant ce sont des esclaves, qu'ils vont être à la solde du sorcier qui les a empoisonnés, qu'on appelle un bokor. Ensuite, au bout de plusieurs heures absolument traumatisantes, pour ne pas dire horrifiques, ils vont être ressortis de ce cercueil. On va les flageller, on va leur changer leur prénom, on va les nourrir sur une feuille de bananier par terre sans sel, comme les esclaves des temps jadis. Et ils vont être expédiés à l'autre bout de l'île, avec ce traumatisme psychologique toujours bien enfoui, et puis avec des drogues qui vont continuer, perpétuer cet état de hébétude chronique qui fait que ce sont des zombies au sens classique du terme, incapables de faire d'autres actions que deux ou trois mécaniques, très simples, mais incapables de réfléchir. Ils sont en mort sociale. Et c'est ça la zombification. C'est quelque chose de symbolique, quelque chose de chimique qui aboutit à une exclusion sociale. Travaille ! Tu fais travail ! Amis téléspectateurs, le voyage continue. Nous sommes sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Docteur Jacques Ravix, honneur, bienvenue sur Quisqueya. En 1983, un ethnobotaniste, Wade Davis, a publié un article où il proposait une nouvelle hypothèse pour expliquer cette mort chimique des zombies. Et alors, de quoi s'agissait-il et pourquoi ça a modifié la vision qu'on avait sur les zombies ? Wade Davis, cet ethnobotaniste, a décrit dans les années 1980 l'usage d'un poison qui s'appelle la tétrodotoxine, extraite d'un poisson, le tétrodon, qu'on appelle au Japon le fugu, et dans les eaux tropicales ou équatoriales Caraïbes, on l'appelle le foufou. Et il a montré que c'était ce poison qui était la cause de la zombification. Nos études ont montré que c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, ce poison seul ne peut pas agir, il faut des choses pour lui permettre de passer la peau et donc d'empoisonner véritablement l'individu. Des choses qui sont de l'ordre du symbole, toujours, mais c'est important les symboles, notamment de la poudre d'ossements humains, qui en soi est totalement inerte, mais qui participe de la préparation magique de ces drogues. Et puis également des choses qui sont un peu urticariantes, qui vont provoquer un grattage de la peau et du coup vont faire pénétrer la drogue dans l'organisme de l'individu et du coup la droguer. Ces substances urticariantes, c'est de la bave de crapaud, du jus de vipère, éventuellement des feuilles de figuier, du jus de citron, donc des choses qui sont un peu de l'ordre du fantasmagorique et aussi du pragmatique. J'ai été victime de cette toxine, mais je suis resté 3 jours. Jacques Ravix. Dans un coma. Très particulier. Interviewé par la télévision haïtienne. Que les scientifiques ne m'avaient pas enseigné. Comment au cours duquel j'ai pu m'habiller sous sol. Me baigner. Et rester dans cet état second durant 3 jours. Et au bout de 3 jours, je suis sorti de cet état. Quelles sont les séquelles éventuelles pour les gens qui s'en sortent ? Parce que combien de temps reste-t-on zombie ? Eh bien, on peut rester zombie pendant une quarantaine d'années à peu près. Une zombie, par exemple, a été plusieurs fois enceinte de son beau-corps qu'il avait violé. On ne sait pas ce que sont devenus les enfants. Les zombies restent dans cet état jusqu'au moment où leur maître, c'est vraiment un terme d'esclave qui est utilisé, jusqu'à temps que leur maître meure. Alors soit par un accident de voiture, soit par une catastrophe, tremblement de terre ou cyclone, mort de mort naturelle, ou parfois le beau-corps finit lui-même zombifié. C'est le moins qu'on puisse espérer parfois. Et dans ce cas-là, eh bien, le zombie est obligé de survivre par n'importe quel moyen. On arrêtera du coup de lui donner sa drogue quotidienne pour entretenir cet état de hébétude. Et au fur et à mesure, il va reprendre jamais la totalité de sa conscience, mais une partie plus ou moins grande. Avec un traumatisme psychique qui sera toujours présent, qui peut même parfois confiner à la folie réelle. Des séquelles physiques aussi, parce qu'évidemment, le cerveau est moins bien irrigué pendant ce temps que la personne est dans son cercueil avec le cœur qui bat lentement, la respiration très lente et la température abaissée. Et du coup, il peut y avoir parfois des accidents vasculaires cérébraux, notamment un médecin, Jacques Ravix, que j'avais rencontré, un ancien zombie, qui lui, il avait failli être zombifié. Il s'en était sorti vraiment à la toute dernière minute, mais les effets de la drogue étaient déjà présents, mais il n'avait pas encore été enterré, lui. Il s'en est sorti juste avant. Et Jacques Ravix avait il a une paralysie faciale partielle et une paralysie d'un membre inférieur. Donc ça, ce sont directement les séquelles de la drogue sur son cerveau. Il a survécu, il a récupéré une partie de ses fonctions, fonctions intellectuelles toutes, fonctions physiques, il a quelques séquelles. Il n'a pas frôlé la mort, c'est-à-dire qu'il a marché à côté pendant des heures. Film Zombie Child, Bertrand Bonello. Putain, vous m'avez fait peur. Meuf, tu fais quoi là? Rien. C'est juste que, en ce moment, il y a une cérémonie dans mon pays. Et vu que je peux pas y aller, ben, c'est une façon pour moi d'y participer. Mais c'est quoi cette cérémonie? L'anniversaire de la mort de mon grand-père. C'est une mort assez spéciale. Mon grand-père est mort en 1962 d'une maladie. Il a tout de suite été enterré. Parce que là-bas, on enterre tout de suite les morts. Mais pendant son enterrement, il était conscient. Il entendait le son de la terre tomber sous son cercueil, sans rien pouvoir faire. C'est horrible. Il a été enterré vivant? Moitié vivant, moitié mort. C'est devenu un zombie. Putain, c'est horrible. Il s'appelait comment? Clervis. Clervis Narcisse. Généralement, quand une décision de zombification est faite, il y a un véritable complot qui est organisé. Et là, le mot complot n'est pas exagéré. Tout est organisé à l'avance. On sait que la personne va être empoisonnée, donc le cercueil est prêt et le certificat de décès aussi. Petite particularité en Haïti, le certificat de décès n'est pas signé par un médecin, il est signé par deux proches, deux témoins. Évidemment, dans ce contexte-là, les témoins sont souvent ceux qui ont pratiqué l'empoisonnement de l'individu. Donc, les dés sont un peu pipés, et la personne se retrouve enterrée le jour même, dans un cercueil, parfois à découvert, c'est-à-dire que le visage est visible, et ces personnes-là, on se débrouille pour leur laisser les yeux grands ouverts. Donc, ils assistent à toutes les funérailles, ils entendent tout. Quand quelqu'un vient les voir en disant « je t'ai aimé, tu me manques » et qu'il les embrasse sur le front, ils ressentent tout ceci, mais ils ne peuvent pas répondre. La seule chose éventuellement qui peut survenir, c'est une larme. Rien de plus. Il y a un zombie qui s'était fait comme ça une fois, embroché par un clou mal mis dans un cercueil, dans une planche, et cette personne-là avait souffert le martyr sans pouvoir crier, sans pouvoir extérioriser sa douleur. Donc, c'est vraiment un supplice atroce. Généralement, le bokor, celui qui a provoqué l'empoisonnement et cette peine, vient susurrer à l'oreille du futur zombie « Retiens bien mon visage, c'est moi ton maître à partir de maintenant, c'est moi qui t'ai fait tout ça, ne m'oublie pas. » Clairement, les zombies sont victimes de coups et blessures de la part de leurs maîtres, parfois de viols également. Ils sont des esclaves, ils sont moins que les animaux de compagnie. Je me souviens d'une femme zombie que j'avais pu examiner, avec qui j'avais pu interagir. Et elle était dans un hôpital psychiatrique à Port-au-Prince, après la fin de sa zombification. Et je lui avais demandé de dessiner les enfants dont elle avait la garde. Donc elle avait dessiné des enfants avec une tête, deux bras, deux jambes. Tout va bien, des enfants souriants. Et puis elle s'était dessinée juste à côté, elle. Les yeux grands ouverts, sans pupille, un nez, une bouche qui était ni souriante ni triste, mais neutre totalement, des oreilles, et puis elle avait, elle, deux jambes, mais pas de bras. Pourquoi ? Parce que les enfants n'avaient pas le droit de la toucher. Et c'est quelque chose qui est assez fréquemment retrouvé. Ils dorment pas avec les maîtres ou dans l'habitation principale. Ils sont avec les chiens ou ils sont dans une sorte d'étable ou dehors. Donc ils ont un statut qui est vraiment celui des anciens esclaves du temps passé. O Lord God most holy, deliver them from the bitter pains of eternal death. The woman was a wicked woman, and she was dead in her own life. Laennec Urbon, vous êtes un anthropologue haïtien, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous enseignez la sociologie à l'Université d'État de Port-au-Prince. Vous avez beaucoup travaillé sur les rapports entre politique, religion et culture dans la Caraïbe et notamment sur le vaudou. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie dans la culture haïtienne ? Il y a effectivement des gens qui ont été repris, dit-on, de la tombe, donc c'est un mort vivant. En fait, qui est censé circuler. Il y a des cas où des zombies ont pu être libérés, en quelque sorte, de leur maître, et on les retrouve quelque part dans les rues ou sur les marchés, et les gens disent « Ah, voilà, il y a là un zombie ». Maintenant, comment ça se passe? Comment interpréter tout cela? C'est un autre débat. Le zombie, c'est celui qui a perdu l'un des éléments spirituels qui dirige son corps, qui est la volonté. Donc il entend, mais il n'a pas la capacité par lui-même de faire quelque chose. À la limite, on voit bien derrière la notion de zombie, on voit bien se profiler l'image de l'esclave. Parce que c'est l'idéal du maître, c'est un esclave qui est totalement soumis et à la volonté du maître. Donc dès qu'on parle de zombie, il faut immédiatement penser au maître, à celui qui a le contrôle. Donc on est en plein déjà dans le retour de l'image de l'esclavage avec la notion de zombie. C'est ce qu'on appelle une image survivante qui traîne encore là parce que justement il y a eu un refoulement de toute cette histoire, un oubli, et cela remonte. Dans le cas d'Haïti en particulier, après l'indépendance en 1804, les leaders de l'indépendance, en particulier le plus grand et qui s'appelle Dessalines, il a dit il faut oublier complètement le temps d'humiliation que représente l'esclavage. Donc il fallait détruire les plantations, détruire toutes les traces, il fallait oublier. Mais cet oubli radical est-il possible ? Eh bien donc justement, il y a un refoulement et revient donc en Haïti tout le fantasme de l'esclavage, parce que dans le fond, même si on sort de l'esclavage par une révolution, les traces sont là, la vie quotidienne qu'on a connue dans Saint-Domingue avant 1804, eh bien, il y a toujours des problèmes qui sont des problèmes d'inégalité sociale, des problèmes d'exploitation, des problèmes de domination, ce qui vont s'exprimer justement à travers le fantasme de l'esclavage. Pas esclave. Je ne suis pas esclave encore. Nous sommes suivis là un extrait de documentaire ça qui relève justement Zombie la Tibonite. Nous allons poursuivre pour nous suivre l'autre extrait, fois ça, toujours dans le même documentaire Zombie la Tibonite, là, réalisé par M. Carlos Saint-Elo, à qui on dit encore une fois un gros merci, merci parce que l'exposé problème là, au su et vu de la société haïtienne. Fois ça, nous allons joindre M. Sa qui relève Fait le petit, fait le bon. L'individu dans son statut d'esclave, il vit aussi une amnésie culturelle dans le modèle tel que les Français l'ont imposé en Haïti. Exactement. À mon avis, c'est ce qui est nouveau à partir du XVIe siècle. Ce n'était pas ainsi chez les Grecs et chez les Romains, parce qu'on ne pensait pas chez les Grecs qu'on pouvait débarbariser quelqu'un. C'est-à-dire qu'on pouvait l'héléniser, on ne pouvait pas l'héléniser. Le grec restait grec et celui qui était esclave n'avait pas à abandonner sa culture, la culture de son ethnie, etc. Il restait comme étranger. Tandis que à partir du XVIe siècle, il y a eu un travail d'assimilation culturelle de l'individu prévu, projeté, hein, mais qui n'est pas réalisé vraiment, un processus d'assimilation culturelle, pourrais-je dire, qui suppose que l'individu est appelé à abandonner complètement tout ce qu'il avait comme culture, comme pratique culturelle, langue, religion, système familial, etc. Cette modalité de production de l'esclave consiste à faire qu'il ne puisse avoir ni ascendant, ni descendant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la progéniture de l'esclave appartient au maître. Donc, on voit bien qu'il est coupé de toute racine, qu'il est dépersonnalisé, qu'il est fait un autre individu, il a perdu, en quelque sorte, il est censé avoir perdu tout ce qui fait de lui un être humain, et c'est ce qui reparaît à travers le fantasme zombie, parce que là, c'est le fantasme du maître lui-même qui veut avoir le pouvoir absolu sur l'individu. Voilà, donc c'est ça, ce processus d'amnésie culturelle capitale. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que l'esclave, justement, va baronner, c'est-à-dire va utiliser, va tenter d'échapper à cette condition à laquelle le maître l'attelle, jusqu'à ce qu'il perde son identité. Non, il va se créer une nouvelle identité, il va se créer un nouveau temps, un nouveau monde à lui, tout en reprenant même un certain nombre d'éléments culturels qui lui sont imposés. Donc ça qui va permettre l'apparition d'une nouvelle culture. Et pas seulement en Haïti, en fait, au Brésil, à Cuba, et partout où, dans les Amériques où l'esclavage sera pratiqué. Et c'est là que le vaudou prend tout son essor. Et c'est là que le vaudou prend tout son essor, justement. Et donc, le travail produit par les maîtres pour une stratégie d'amnésie culturelle ne va pas réussir, parce que l'esclave va tenter de se reprendre et de se reconstruire un monde à lui. Par le vaudou. Le vaudou est, entre autres, au centre de... C'est-à-dire que le vaudou présente toute une mythologie, présente tout un rapport à l'Afrique perdue. Il a fallu donc symboliser cette Afrique. Il a fallu que l'esclave essaie de se raccrocher à ce monde qui est perdu, mais en même temps de reconnaître qu'il l'a perdu. Donc il y a à la fois une rupture assumée et en même temps création de quelque chose de nouveau, de création d'une nouvelle tradition religieuse et culturelle. Ça, c'est les deux Ougans qui portent des trucs du vaudou, des choses du vaudou, mesdames, messieurs, qui attend l'arrivée de Ougan Wilner Félix, Ougan Wilner, bâton à la main, comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, à ses côtés, Mambo Karine, Mambo Katia, Mesdames, Messieurs, Mambo Albertine est de la partie également. Ougan Wilner ici, possédé, Mesdames, Messieurs. Et les salutations de deux Ougans qui s'agenouillent devant lui. Suivez, Mesdames, Messieurs, la main sur la poitrine. Suivez, Mesdames, Messieurs, c'est bien. Alors, quelle est la fonction dans l'imaginaire et quelle est la fonction sociale du zombie? Il y a une peur des Haïtiens de la zombification. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la zombification, l'individu est désapproprié de sa propre mort. Et c'est ça aussi, l'esclavage. Et il est très important pour un individu de savoir comment que ça va se passer pour lui. C'est un moment extrêmement délicat, le moment de l'enterrement. Les propriétaires des morgues font attention à ce que l'individu ne puisse pas être à nouveau capté ou être utilisé à des fins de sorcellerie. Comment on fait pour ensevelir quelqu'un, pour éviter qu'il puisse éviter, être capté? On peut capté. Par exemple lui coudre la bouche, lui coudre bien fermer les yeux. Quelques-uns, il y a des produits aussi qui sont utilisés. Parfois même on lui met une arme entre les mains, quelque chose comme ça, qui pourrait se réveiller et frapper l'individu. Donc il y a une manière d'amener le cercueil, il y a une marche qui permette de faire en sorte que l'esprit de l'individu ne puisse pas retrouver la route des vivants. Et comment il est ce chemin? Donc en zigzag, à droite, à gauche, et puis ça avance ainsi. Parce que le problème de la mort de l'individu consiste précisément de la sépulture, consiste à faire que l'individu s'éloigne effectivement d'un vivant, pour que le vivant puisse vivre. C'est ça. Il faut séparer les règnes entre les vivants et les morts. Ben bien sûr, c'est tout le travail de la symbolisation et du symbolique dans la culture, c'est précisément ce travail de séparation entre la mort et le vivant. Charlie, est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement un zombie donc, qui a été sorti de sa tombe, réduit en esclavage? Quelles sont ses caractéristiques physiques? Le zombie se caractérise d'abord par sa voix caverneuse, une voix nasale, caverneuse, qui est vraiment une des choses qu'on recouvre le plus dans les enquêtes de terrain et notamment sur ceux que j'ai pu rencontrer. Peut-être que c'est une conséquence de nécrose muqueuse, de la drogue aussi, à titre de toxine, qui a été absorbée. Les autres choses aussi, ce sont des gestes très lents, une élocution très ralentie, une incapacité à faire des gestes complexes. On est vraiment dans une gestuelle de répétition et une perte complète du libre arbitre. L'intellect est vraiment totalement démoli pendant qu'on est zombie. Ensuite, on peut avoir des séquelles de cet état-là une fois qu'on est sorti de ce cercle infernal de la zombification. Mais quand on est dans l'état de zombie, c'est vraiment ces choses-là qui font les caractéristiques de ces individus. Les descriptifs nous parlent d'un regard qui est vide et creux, lointain, un regard quasiment de mort, sauf l'opacité de l'œil. Ces gens ont une odeur infecte. C'est peut-être un effet secondaire des drogues à zombies. Leave them alone. Let them go. Pascal Pinto, comment les zombies sont-ils passés de Haïti au cinéma américain? Alors, Hollywood est toujours dans une recherche perpétuelle d'adaptation de légendes, de récits fantastiques, etc. Et tout ce qui peut servir à créer quelque chose de sensationnel, basé sur des choses dont les gens ont entendu parler, donc sert à faire des films. Par exemple, quand on découvre les dragons de Komodo dans les années 30, ça donne à Shostak et Cooper l'idée de faire King Kong. Et bien, de la même manière, quand les récits des zombies d'Haïti, etc., arrivent par la presse populaire, par des magazines à sensation sous les yeux des producteurs d'Hollywood, ils décident de produire des films sur les zombies. Il y a notamment ce film qui s'appelle I Walk with a Zombie de Jacques Tourneur, qui est un film tout à fait étonnant, d'une grande beauté formelle, dans lequel on est plus dans une espèce de poésie funèbre et de mystère que dans l'horreur à proprement parler. On est plus fasciné et intrigué qu'horrifié. Avec quel film naissent les zombies comme créatures monstrueuses? Alors, le film qui va tout changer, c'est le film de George Romero en 1968, La Nuit des Morts Vivants. C'est un film qui est né d'une façon assez originale puisque c'est une toute petite production en noir et blanc avec des acteurs essentiellement amateurs, beaucoup de figurants gratuits, etc. Et il a fini par apporter énormément d'argent. Ça a été très longtemps un des films les plus rentables de tous les temps. Et on comprend pourquoi il a fonctionné, parce que le récit est très tendu, l'action avance, il y a du mystère, il y a du suspense. Le film commence par la visite d'un jeune couple dans un cimetière, puis voit un personnage avec une allure un peu étrange, et puis c'est finalement un mort-vivant qui va attaquer d'abord la jeune femme, puis s'en prendre à son compagnon, puis le tuer. La jeune femme s'enfuit, et elle trouve refuge dans une maison dans laquelle se trouve un jeune noir. Et donc, elle et lui vont se barricader pour essayer de survivre alors que tout un tas de morts-vivants arrivent, et puis le réalisateur nous apprend par le biais d'extraits de journaux télévisés que c'est un satellite qui serait de retour de Vénus et qui aurait été contaminé par une espèce de radiation bizarroïde qui aurait, malgré sa destruction par la NASA, dont les débris seraient tombés sur Terre, et ces radiations auraient réveillé le cerveau des morts. Ils sont de plus en plus nombreux. qui donc se déterre tout seul, ce qui n'est pas facile à faire, donc ils ont beaucoup de mérite, et qui ensuite vont en patrouille chercher leur pâture, puisqu'ils se nourrissent des vivants. Et le jeune noir, lui, va se rendre compte, parce qu'au début, personne ne sait comment s'en débarrasser, que c'est en les attaquant au niveau de la tête, avec un pied de biche, parce qu'on travaille avec ce qu'on a sous la main, qui va donc arriver à se défendre et à tuer certains des morts vivants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ici, j'en sais rien. Dis-moi ce qui se passe ici. Bien, maintenant, il faut nous protéger. S'ils s'aperçoivent qu'on est ici, ils vont se ramener en force. Nous devons allumer toutes les lumières de la maison. Nom de Dieu, tu vas te remuer, oui? Oui, je sais. Tu as eu terriblement peur. J'ai eu peur, moi aussi. Mais il faut que nous nous protégeons avant tout. Je dois bloquer les portes, les fenêtres, c'est important. Tu comprends? Il faut m'aider. Nous serons à l'abri dans cette maison s'ils ne peuvent entrer. Mais pour cela, il faut que nous travaillions ensemble. Il faut que tu cherches tout ce qui peut nous servir afin de condamner les issues. Est-ce que tu comprends? D'accord. Romero utilise toujours, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ses autres films de zombies tout au long de sa carrière, des minorités et des personnages féminins confrontés à cet apocalypse de la société américaine. Et on va retrouver ça beaucoup mieux développé 10 ans plus tard dans son film qui s'appelle Zombie. C'est en 1978. L'action se passe d'abord autour d'une équipe de télévision qui a loué un hélicoptère en fait pour s'occuper du trafic routier et qui fait face à cette invasion de zombies et qui atterrit sur le toit d'un centre commercial en pensant se réfugier. Et encore une fois, parmi les personnages principaux, il y a une femme, reporter de télévision, et un jeune noir. Donc, comme on est dans ce centre commercial, la critique de la société de consommation américaine est encore beaucoup plus vive. Ils sont encore là. Mais ils nous cherchent. Ils savent qu'on est ici. Non, c'est par habitude. Sans savoir au juste pourquoi. Dans leur vie passée, ils venaient ici, ils s'en souviennent vaguement. Mais qui sont-ils? Ils sont nous, c'est tout. L'enfer n'a plus assez de place. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est mon grand-père qui nous racontait ça. J'ai déjà entendu parler de Macumba, le vaudou. Mon grand-père était prêtre à Trinidad. Et il nous disait toujours, quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Comment le zombie s'incarne-t-il physiquement à travers ce premier exemple de la nuit des morts vivants et puis les autres? Alors dans la nuit des morts vivants, tout simplement, faute de budget, ce sont des maquillages extrêmement simples qui sont utilisés. Les figurants ont simplement des cernes noires et puis ils avancent lentement et c'est vraiment le film qui jette les bases, si j'ose dire, du comportement standard du zombie. Donc c'est George Romero qui crée ça. 10 ans plus tard, dans Zombie, il est assisté par un excellent maquilleur qui s'appelle Tom Savini, qui a appris son métier sur le tas et surtout qui est un vétéran du Vietnam, donc il a vu pendant le Vietnam beaucoup d'horreurs. Et ça lui a donné, d'une certaine manière, peut-être pour surmonter son traumatisme, des idées pour faire des effets gore extrêmement réalistes, souvent avec des idées très astucieuses, comme par exemple le fait d'évider par une espèce de découpe en demi-lune une machette, pour donner l'impression, pendant un geste rapide, que la machette fend le bras d'une personne, ou qu'on s'en sert pour le découper. Et il utilise ces effets très simples, combinés à des poses de prothèses en mousse de latex sur le visage. Comme c'est du caoutchouc souple, du caoutchouc mousse, on peut le façonner pour créer sur mesure, à partir du moulage du visage d'un comédien, des prothèses qui sont extrêmement fines et qui constituent une seconde peau. Et quand on les voit vraiment prendre une cuisse et la porter à la bouche et la déchiqueter comme ferait un fauve, là ça se passe comment? Ce sont des faux membres qui sont préparés à l'avance. Il y a des tas de matériaux qu'on peut utiliser en maquillage pour simuler la chair, et notamment il y a de la gélatine très concentrée pour fabriquer quelque chose qui a à la fois la consistance et la transparence de la vraie peau. Et il y a aussi des techniques pour fabriquer du faux sang, à partir de produits qui sont tout à fait comestibles. Alors, vous prenez du sirop d'érable, du colorant alimentaire jaune et du colorant alimentaire rouge. Vous mélangez ces deux colorants pour obtenir un rouge légèrement orangé, mais pas trop. Et le sirop d'érable qui est un petit peu brun va vous permettre d'obtenir une consistance un peu plus épaisse que celle d'un simple liquide comme de l'eau qui aurait été teintée. Et si vous voulez un sang un petit peu plus épais, vous pouvez également faire la même chose avec du miel un peu liquide qui va lui donner encore un peu plus de consistance et qui va lui permettre de couler un peu plus. Et si vous voulez le rendre un peu plus foncé, vous pouvez utiliser aussi du café lyophilisé pour l'assombrir un petit peu. Merci pour la recette. Alors il y a ceux qui sont des zombies relativement frais, ils ont d'assez jolies factures, puis il y a ceux qui sont déjà un petit peu rassis et qui commencent à être ratatinés et plus ridés, et puis évidemment plus l'état de décomposition est avancé, plus Savini s'amuse avec ça, et plus il crée des véritables monstres, des zombies monstrueux. Et donc il s'en donne à cœur joie dans ce zombie de Romero en 1978. Et c'est dans ce zombie de Romero qu'apparaissent les figures de putréfaction ? Est-ce que c'est ça qui inaugure cette idée de la chair en décomposition chez le zombie ? Alors, c'est dans ce film-là, notamment, que les effets spéciaux de maquillage, justement, qui montrent l'état de décomposition des zombies, se perfectionnent très très lentement. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est le précurseur de ce qu'on verra plus tard avec la fameuse série télé The Walking Dead et les effets spéciaux de Greg Nicotero, donc, qui, depuis les débuts de cette série, adapté une bande dessinée, est le coproducteur de la série et qui fait véritablement des merveilles dans ce domaine. Et donc il a fait des métamorphoses absolument incroyables, des personnages animatroniques contrôlés à distance avec des corps complètement décharnés que ne pourrait pas porter un acteur ou une actrice. Il a eu aussi des idées géniales comme celle de ce personnage féminin, donc réduit en zombie, qui n'est plus qu'un demi-corps et qui rampe sur une pelouse dans un des épisodes, donc qui était lui joué par une actrice très très très mince, au corps complètement recouvert de prothèses, et la partie arrière du corps recouverte d'un juste corps bleu, donc effacé numériquement. Et il y a eu aussi d'autres éléments de la scène qui ont été tournés en enterrant son corps sous la pelouse et en remettant de la pelouse par-dessus pour qu'on la voie simplement tenter d'avancer en tant que demi-corps perdu au milieu de nulle part. Bon boulot, Clint Eastwood. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, je suis en train de préparer l'argile pour la séquence de transformation de nos personnages en zombies. Puisqu'on n'a pas d'effets spéciaux, hein, comme au cinéma. C'est une préparation assez physique. Oui, tout à fait. Mais également très très agréable. Voilà. Et c'est très bon pour la peau, donc on se recouvre d'argile. Et depuis qu'on travaille ce spectacle, on a un teint formidable. Alexandre Moisesco, vous êtes metteur en scène d'un nouveau spectacle de la compagnie Gérard Gérard, qui s'appelle Zombie, que vous jouez à la Générale à Paris. C'est un spectacle qui parle un peu de la dématérialisation du vivant, qui parle de la dévitalisation des rapports humains. C'est un spectacle qui a trait à nos rapports au smartphone et qui met en question la fin de l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire la fin d'une humanité sensible, intelligente, ou qui du moins aurait un esprit, une mémoire indépendante, une identité indépendante, déconnectée de la technologie. Il y a un terme qui est apparu ces derniers mois qui s'appelle « smombie », c'est-à-dire un mélange entre smartphone et zombie. Parce que je pense que quand on dit zombie et smartphone, tout le monde voit bien effectivement le lien. Jean-Luc Godard, quand il parle de cinéma, il dit que c'est un art pour lequel on lève la tête pour voir l'écran, à l'inverse de la télévision qui est à notre niveau, disons. Et maintenant, on est passé dans une nouvelle ère où on baisse la tête, très souvent, en marchant dans la rue, etc. Et ça, baisser la tête en permanence, c'est une figure quand même qui est lourde de sens, quoi. Le zombie, en gros, à la base, le zombie haïtien, ça vient d'une culture aussi de l'esclavage. Et le zombie est une figure d'esclave. Et je pense que le fait d'avoir toute une société qui baisse la tête, certes qui va, par exemple, pousser des gueulantes en trollant ou en postant sur Facebook avec des comptes anonymes, des choses ignobles, mais par contre qui, dans la vie, baisse la tête, est bien sage. C'est-à-dire qu'on sait toutes les données qu'on leur confie, on sait l'importance du big data et combien ça peut aller loin dans les déductions que ça peut engendrer sur votre profil à vous, psychologique ou social ou voilà. On sait les dangers de ça, mais on y va avec le sourire, parce que c'est sexy, parce que c'est quand même cool d'avoir la 5G et d'avoir le streaming sans temps d'attente. sans vraiment savoir en fait ce que ça peut créer en termes de dangers sanitaires, voire même tout simplement comportementaux. C'est l'objet qu'on touche dès qu'on se réveille le matin, c'est notre réveil, c'est notre montre, c'est notre outil de géolocalisation. On est en train de rentrer, je pense, vers le transhumanisme tout à fait volontaire. Même maintenant, déjà, ça choque plus grand monde. Si on dit, écoute, ton smartphone, finalement, tu vas l'avoir en sous-cutané. Parce que, de toute façon, il ne te quitte jamais, donc comme ça, ce sera plus simple. Je pense que les gens seraient prêts, sans problème, quoi. Et puis, on est aussi dans un moment où on installe maintenant la 5G. Enfin, voilà, c'est quand même pas tout à fait anecdotique. La question du smartphone, c'est aussi la question de la décérébralisation. Enfin, moi, j'aime bien ce truc de téléphone intelligent, parce que moi, ça me fait penser à consommateur idiot, du coup, tout de suite. Plus les machines sont intelligentes, moins on a besoin de l'être. Et jusqu'où est-ce que ça peut aller? Après, il y a aussi la question de... Voilà, tous les grands des GAFA, ils travaillent là-dessus, sur la vie éternelle. Comment pouvoir échapper à l'emprise du corps, à notre finitude physique. Et voilà, là, tout de suite, la figure du mort-vivant aussi arrive, je pense. Après, c'était aussi un moyen de notre part, un peu coquin, pour pouvoir s'adresser aux jeunes aussi et les amener au théâtre pour parler de smartphone, parce que ils sont quand même en premier lieu concernés pour ce rapport hyper quotidien, hyper fréquent, voire très addictif, sans forcément beaucoup de regard critique. Je pense que c'est pas pour rien si la figure du zombie elle est vachement à la mode ces derniers temps. Il y a quand même un truc, quoi. En ce moment, on parle d'apocalypse imminent, on parle de réchauffement climatique bien plus incontrôlable que prévu. On parle. Moi, j'ai deux gamins. Je me dis bon, je sais pas, les gars, à quoi ressemblera le monde quand vous aurez 40 ans. En tant que papa, c'est un peu pas évident comme question. Sortez vos téléphones. Sortez vos téléphones, allumez les lumières de vos téléphones. Je veux voir une forêt de téléphones, voilà. Ça, c'est beau, oui. Oh, c'est beau, hein. Vous êtes beau avec cette technologie. Oh oui, oh oui, allumez, sortez-les, j'adore. J'adore la technologie, oui. Ah, voilà, comme ça, et avec vos téléphones, on va dire tous ensemble, au revoir au passé. Au revoir, passé. Goodbye, the past! Adios, el pasado! La contamination dans votre spectacle, elle s'opère comment? Ça se transmet aussi comment? C'est qu'en fait, là, on parle de système de carte mère, de carte mémoire qu'on implante dans le corps, donc transhumanisme, quoi, et qui ensuite fait que on peut plus s'en passer, et que par exemple, la mémoire des personnages est imprimée sur des circuits imprimés, et donc, si on retire ces cartes, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de mémoire propre. Voilà, probablement c'est ça qui se passe. Donc, la figure du zombie se poursuit aussi sur le thème des effets sur le cerveau? Bah oui, parce que le zombie, c'est la figure de la personne qui est privée de sa conscience, qui est privée de sa liberté et qui est privée de sa pensée. Et en fait, si on pousse un peu le raisonnement, ça peut vouloir... ça peut emmener vers une sorte de démusculation du cerveau et de l'esprit humain et de sa capacité à penser seul. Laennec Urbon, quel rôle a joué l'occupation américaine dans la diffusion de l'imaginaire du zombie? Ah oui, l'occupation américaine est arrivée justement à partir de 1915, elle est de 1915 jusqu'en 1934 en Haïti. Mais à cette époque-là, les États-Unis essayaient d'entrer un peu partout dans l'Amérique centrale en fonction de la doctrine de Monroe pour être vraiment la plus grande puissance qui domine dans la région. Donc ils ont utilisé le prétexte. Pour les États-Unis, c'était une aubaine. Voilà qu'on a affaire à une population noire qui se dirige elle-même pendant que le racisme bat son plein. Le racisme anti-noir bat son plein aux États-Unis. N'oubliez pas que les droits civiques sont refusés aux noirs américains à cette époque-là encore. Donc il faut attendre Martin Luther King, etc. Donc pour eux, Haïti, plus Haïti paraît pauvre, plus Haïti est connu, mais il sera connu sous l'angle d'une population qui est restée dans un état de pauvreté considérable, qu'eux-mêmes pourraient développer, parce qu'il s'agit de Noirs qui ne peuvent pas se prendre en main. Parce que donc, il s'agit de protéger la longue durée du racisme anti-noir qui prévaut aux États-Unis. Pour dire qu'on a affaire à des cannibales, à des producteurs de zombies, justement, et ils ont pu reprendre toute cette fantasmagorie qui pouvait justifier le racisme anti-noir aux États-Unis. Comment Hollywood a-t-il capté la figure du zombie? Oui, ça a commencé pendant la période de l'occupation américaine en particulier, vers 1932. La thématique, la zombification, évidemment, attire tout observateur. C'est quelque chose qui réellement peut faire peur qu'il y ait des morts vivants qui circulent au milieu des vivants sans qu'on s'en doute. Quand on s'en doute, on est effrayé, on est en plein dans ce que Fouet appelle une inquiétante étrangeté que vous présente, que suscite immédiatement le zombie. Donc il y a un petit frisson que ça donne immédiatement, une angoisse que ça donne. Maintenant, cette angoisse a été exploitée massivement par des dizaines de films sur les zombies qui montrent que, précisément, il y a encore un refoulé en Occident de la mort comme telle, mais de la possibilité de destruction qui existe des populations humaines, et c'est ce qu'on vit souvent. Et donc, l'image du zombie, c'est quelque chose qui suppose une mise en question de l'avenir du monde occidental, de son sens du progrès auquel il s'accroche, alors que tout s'en va, en quelque sorte. Même s'ils ont oublié la provenance du personnage du zombie, dans la mesure où en Occident, le zombie, c'est celui qui... pour Hollywood, le zombie, c'est celui qui lui-même devient agressif. Il devient tueur, assoiffé de sang, assoiffé de destruction, ce qui n'est pas le cas du zombie dans le fantasme de l'esclavage en Haïti. Mais il demeure quand même un rapport caché, refoulé, à toute l'histoire de l'esclavage qui est à la base aussi du développement du monde occidental, de la modernité, et qui est oublié aujourd'hui par les grandes puissances. Et en Occident, il y a eu un oubli. Et comme disait Toni Morrison, on ne peut pas avoir fait ça pendant 4 siècles sans qu'il n'y ait pas de traces. Vous avez fait ça pendant 4 siècles et le monde a été coupé en deux. Et ça, c'est très grave. Donc, il y a un héritage qui n'est pas seulement pour ceux qui ont été les victimes de l'esclavage, pour les descendants des esclaves, mais il y a aussi, pour les maîtres, cet héritage qu'il faut repenser. C'était La mort vivante, Zombie or not zombie. Avec Philippe Charlier, Lainec Urban, Pascal Pinto, Alexandre Moisesco et Nicolas Bodunot. Merci à Bertrand Bonello pour les extraits de son film Zombie Child. Extrait de film I Walk with a Zombie de Jacques Tourneur, La nuit des morts vivants, Georges Romero, Zombie de Georges Romero, le clip Thriller de Michael Jackson, la série The Walking Dead de Franck Daramont et Robert Kirkman, et Zombie Child de Bertrand Bonello. Archives de la télévision haïtienne, interview du médecin Jacques Ravix. Extrait du spectacle Zombie de la compagnie Gérard Gérard, création sonore par Michael Filler. Documentation musicale Romain Couturier. Prise de son Laurent Lucas, Alain Joubert, Fabien Gosset. Mixage Claude Niort. Un documentaire d'Élise Ruot, réalisé par Anna Smuk. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter comme un zombie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.